vite. Mais ne pas le faire, c'est l'enfer, priant dans cette crypte. César aime devant ses légions, prions virevoltant sans fin. Tu te lèves, tu as faim, et nous ne sommes pas des pions, pas des pions, pas des pions. Ampoule éclatante, contradiction, décontracte tu seras. Parce que comme dit le papa, l'important c'est l'action. C'est l'action, c'est l'action. Écrire solo. Je ne pensais ne plus le faire, tant de chansons écrites. Mais ne pas le faire, c'est l'enfer, priant dans cette crypte. Dans cette crypte, dans cette crypte. César aime devant ses légions. Parce que comme dit le papa, l'important c'est l'action.